Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. C'est en quittant Gotham qu'on se rend compte d'à quel point les hauts gratte-ciel et les cathédrales empêchent le soleil de réchauffer la ville. Ici, dans la petite ville de Riverdale, à 3 heures de route en voiture, la chaleur de l'été se fait lentement mais sûrement sentir. La pelouse du parc Lodge est d'un vert vibrant. Le ciel bleu n'est obstrué d'aucun nuage. Les enfants courent sous les jets d'eau et piaillent le sourire aux lèvres. Pourquoi Gotham n'est pas comme ça? Qui a maudit cette terre? À croire qu'il ne faut vraiment pas construire sur un cimetière indien. Encore plus lorsque c'est vous qui les avez enterrés là, vivants ou morts. Assis sur le capot de sa voiture, Larry Stobar, croquant son donut sans s'inquiéter le moins du monde de sa manière si irritable de mâcher. Sans s'inquiéter de l'attente de son interlocuteur, Paul Edward Thompson, P. Et voilà, c'est là. Ouais, j'ai vérifié le calendrier. Dans 3 semaines, ici même, t'auras Pat dans le viseur. Ouais, il a pas souvent le droit d'aller aussi loin. Et en temps normal, il est surveillé H24, mais c'est son moment à lui. Il y aura quelques collègues dans les parages, mais je m'en occupe. T'auras pas de soucis. Le silence s'installe entre les deux. Le vent et le parfum des fleurs prennent la suite. Un enfant hurle à la mort, mais ce n'est qu'un jeu. Ouais, je sais pas comment il a réussi à négocier ça, c'est complètement débile. Mais il veut pouvoir rendre visite au gamin au moins une fois par an. C'est le gamin que vous avez sauvé tous les deux, là. Oui, j'ai lu le dossier, évidemment. C'est une ironie plutôt dramatique, hein, de vous voir finir comme ça. Bon, enfin bref. J'ai cru entendre que t'avais eu un rendez-vous de première importance. Je vois que vous devenez des VIP. Alors, comment ça s'est passé? Bon, je vois que c'est pas mes affaires, pas de problème. Allez, bon voyage. Mais il faut avouer que ce n'est pas la seule affaire qui vous travaille. Oui, vous avez chacun vos petits rêves, vos petites peurs, mais aujourd'hui, ce qui vous réunit à nouveau, c'est ce merdier dans lequel vous vous êtes retrouvé jeté de nulle part. Gotham, froide malgré la saison, s'agite. Plus de nouvelles des sans-abri disparus en masse depuis quelque temps. Plus personne ne s'intéresse à ce mystère. Les médias sont passés à autre chose. À la télévision, sur internet, dans les journaux, on ne parle que de ça. Oui, ça en discutait depuis déjà longtemps. Maria Shelley, serveuse de diner, avait fait appel à la justice pour demander une bonne grosse somme d'argent à Bruce Wayne pour l'avoir ainsi abandonnée, alors enceinte de leur fille, et ça, sans jamais répondre à ses appels ou envoyer la moindre aide. Mais maintenant, avec les derniers événements, l'histoire a pris une tournure résolument favorable à la montée de l'audimat. La petite, aujourd'hui 8 ans, a perdu sa mère en pleine bataille judiciaire, sans que les résultats du test ADN ne soient révélés. Si personne ne sait ce qui s'est passé et où elle a bien pu passer, vous le savez. Les détails sont encore difficiles à saisir. Une voiture en avait embouti une autre, volontairement. La petite avait disparu. Personne n'en parle encore, et même si vous n'êtes pas certain, qu'elle en était la commanditaire, Harley Quinn avait fini par se retrouver en possession d'une énième potentielle héritière de la fortune Wayne. Maintenant, c'est chez vous qu'Alina, aux cheveux noirs de G, est cachée. Et alors que partout, la police répète qu'elle va multiplier les efforts pour la retrouver, alors que le supposé père fait des appels à la bonté de chacun, peut-être est-il temps d'en faire quelque chose ou de s'en débarrasser avant que les choses ne se compliquent plus encore. Vous êtes donc, comme à votre habitude lorsqu'il est question de discuter de choses importantes, dans votre petite planque sous le Hour Alibi, où se trouve votre grande carte miniature au sol de Gotham, de manière toujours aussi dramatique et théâtrale, et tout l'équipement derrière qui bip de notre cher Jean-Baptiste, collectionnant les données de tous les gens qui viennent charger leur téléphone chez vous. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? On peut pas la garder. On la tue non plus. On va pas tuer un enfant. On la tuera pas. Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle ? On va pas la rendre non plus. Quoi ? Attends, je t'explique, on est deux déjà dans un appartement, on va pas en prendre une troisième. Sauf si tu esclavages. Au moment où on parle, elle est où là déjà exactement ? Elle est avec notre petite serveuse préférée. Donc elle est pas dans la pièce. Oui. Non mais on peut pas la garder. Je veux dire, la ville entière connaît cette fille. Il y a qu'un seul truc, c'est que si d'une manière ou d'une autre on veut la rendre ou un truc comme ça, c'est nous qui sommes considérés comme coupables, quoi. Genre, ils s'en fichent de savoir d'où ça vient. Si ce sera nous qui serons en communication, ce sera nous qui serons. Personne sait qu'on l'a. Comment expliquer pour l'instant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut quand même faire gaffe à ça, quoi. Oui, mais voilà, typiquement, on va la rendre police. Qu'est-ce qui lui empêche de dire à moi, j'ai été lâché dans tel lieu environ là-bas par telle personne qui me ressemblait à ça. Qu'est-ce que tu crois qu'on va raconter comment on va expliquer ça? Peut-être qu'on devrait appeler un avocat. Et traduire en justice Harley Quinn. C'est imbécile, faut préparer version, faire quelque chose. Sinon, c'est bête qu'elle ait vu au village, parce qu'en effet, on peut pas trop essayer de faire du chantage. Ça aurait été l'idéal. Sinon, on lui apprend le métier. On peut faire ça, on la garde et tant pis pour lui. De toute façon, est-ce qu'il en veut, cet enfant? Vous foutez est-ce de moi qu'il pourrait mal se finir? On met un masque. Va. Et puis elle va se faire oublier avec le temps. De toute façon, je veux dire, est-ce qu'il en veut cet enfant? Est-ce qu'il en a parlé à un moment récemment? Vraie question en même temps. Oui. Et surtout, elle, est-ce qu'elle a envie de nous rejoindre? Je suis pas certain. Oui, bon, ça après, c'est d'autres. Bon, elle est très ambitieux. Elle a perdu sa mère, bon. Ou si alors, vous voulez, je la ramène au manoir Bruce Wayne, devant, avec sa valise, avec ma moto. Et je lui dis, c'est ton papa là-bas. Il y a une chance sur deux pour que quelqu'un te voit, qu'il y a un témoin ou quoi que ce soit, et... Il te laissera partir sans poser de questions. Bon, qu'est-ce qu'il a dit déjà Bruce Wayne, dans les médias? Alors, pour vous donner les informations, c'est vrai que je suis passé très vite dessus, du coup, pendant le monologue. Bruce Wayne, il a en effet intervenu à la télé face aux journalistes pour parler du coup de la disparition de cette jeune fille. Il n'a pas spécialement abordé ou il a évité quand les journalistes en parlaient de la question de est-ce que c'est vraiment sa fille ou quoi que ce soit. L'affaire était déjà en cours de toute manière pour le savoir si c'était le cas. Il n'y a pas eu les résultats qui ont été officialisés du test ADN. Mais étant donné qu'il était déjà lié un peu à l'affaire, il a communiqué dessus, il a dit donc... il a fait un appel aux témoins, à tous ceux qui l'auraient vu et tout ça, et voilà, si tu m'entends et tout ça, ta maman voudrait que tu me contactes, ce genre de choses. Mais du coup, par contre, on est d'accord que dans le procès, tes avocats et lui affirmaient que c'était pas lui le père, et c'est ça qui défendait. Oui. Ouais, donc voilà, il en veut pas. Donc pourquoi lui rendre? Ouais, c'est ouais. André Trevis, il voudrait la tuer à tous les coups, c'est sûr. Ouais, comme ça. C'est un énième héritier qui s'est fait là parce que monsieur se tape absolument toute la ville. C'est bon, je pense qu'il s'en fout. Je suis d'accord avec Yasmine. C'est ça, c'est son père aussi. Hein. Quoi? Non, déjà, moi, le truc de l'ordre ressemblant, est-ce qu'on la questionnerait pas sur ce qui s'est passé, etc. Parce que déjà, ça c'est intéressant. Oui, parce que ouais, t'as raison, faut lui demander comment elle est arrivée là. Et si elle refuse de parler, on peut opter pour la question. Donc on lui montre nos visages ou on met des... Elle nous a vu déjà, c'est trop tard. Ah, c'est un peu trop tard, ouais, mais bon. Si vous voulez, je vais la chercher. Non, non, pas ici, mais si. Non, mais on va à la salle de réunion, mais. On y est, okay. Je pense que pour la détendre, il faudrait qu'on fasse un petit chocolat chaud pour elle. Comme ça, moi, moins... je vais dire surtout qu'il faudrait peut-être y aller à 1 plutôt que de s'y retrouver à 6. Oui, effectivement, ça ce qui n'est pas forcément un peu le cadre le moins oppressant. Oui, je suis d'accord. Soit Yasmine, soit Ruby. Un côté très... J'ai cru qu'il allait dire Jean-Baptiste. Yasmine, elle sait mettre les mots. Elle a ses codes. On peut essayer. Je veux dire les codes un peu de la haute. Bah écoute, Yasmine, vas-y, tu peux y aller. Les codes de la haute. C'est ça. C'est fils de caissière, tu crois qu'elle parle comme Nadine de Rothschild? Non, mais Yasmine, vas-y, tu la mettras en confiance et elle parlera déjà, je pense, plus que si on lui envoie notre ami Marco. Oui, c'est sûr. Pense au chocolat et au marshmallow, je sais que les enfants aiment bien ça. Mais ça se trouve, elle en a déjà un, elle a dû la servir, la demoiselle. Si ça se trouve, elle possède l'entreprise, donc qui les fabrique les marshmallows, alors. Oh mon dieu. Bon, bah, très bien, j'irai lui parler soit maintenant, soit plus tard, je sais pas qu'est-ce qu'on fait maintenant. Maintenant, ça sera. Oh, oui, maintenant. Ok, hein. Okay, bah, je vais aller lui parler. Hein. Très bien. Donc Yasmine, tu montes les étages de votre bâtiment, puisque maintenant vous possédez toute la barre d'immeubles sous lequel le Our Ali Bistro, hein, vous possédez des chaque appartement, vous en louez quelques-uns, d'autres sont à vous entièrement, vous me le direz. Mais du coup tu montes les escaliers, tandis que les autres attendent sûrement derrière la porte, ou chez eux. Et tu atteins du coup l'appartement qui est celui que vous lui louez directement à vos chers barmen. Comme ça, ils sont près du travail, ils peuvent pas dire qu'il neige trop pour venir. Mmh. Et en entrant, donc, bah, tu trouves tout simplement la petite et Megan, votre barman, du coup, qui s'est absenté, mais de toute manière, il y a son fiancé, parce que je vous rappelle qu'ils, du coup, ils sont maintenant promis l'un à l'autre. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Qui est resté en bas, du coup, et qui s'occupe des clients. Parce que le Our Alibi reste ouvert à toute heure pour être un bon alibi. Donc elle est là, et elles sont en gros toutes les deux assises sur le canapé, la petite et Megan, avec chacun du coup une bouteille de Coca-Cola dans la main. En train de regarder une émission qui a l'air pas spécialement de l'âge de la petite, il faut l'avouer. Mais les deux sont silencieuses, le regard vide vers la télé, donc ça a l'air de bien se passer. Ok, je vais me diriger vers un des placards, c'est un placard hauteur et tout, généralement là on va ranger un peu tout ce qui est un peu malbouffe, etc. Pour aller chercher un petit paquet de petits bonbons, de petits gâteaux, un petit truc comme ça, je suis sûr qu'ils en ont. Ok, très bien. Donc tu vas te servir dans le placard de tes employés, et tu... Et tu récupères, du coup, tu trouves des chips, il y a les boîtes, les grosses boîtes de bonbons piquants. Oh, merde. Voilà, qu'ils avaient sûrement prévu de mélanger à de l'alcool dans le futur. Mais, attendez, bon, est-ce qu'il y a du chocolat chaud sur la suggestion de Jean-Baptiste qui propose du chocolat chaud à tout le monde? Peut-être pour faire des cafés. Bon, le café pour la gamine. Il y a du café, en effet, mais il n'y a pas de chocolat chaud. Putain. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Ouais, non, le café, ça va être chaud. Bon. Elle boit du Coca-Cola, déjà, c'est bon. Ça, c'est... Ouais, elle boit du Coca-Cola, ça va aller. Non, bah écoute, je prends la boîte de bonbons. Et je vais m'installer sur le canapé, mais naturellement, bon, en même temps, du coup, à côté de la gamine. J'essaye d'attiser un peu le regard, du coup, de mon employé. Et pour essayer de lui faire comprendre, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Tu prends un peu de temps à attirer son attention, il faut avouer, l'émission a l'air passionnante. Et une fois que t'arrives ton attention, elle te regarde un peu, elle prend un peu de temps à comprendre ce que t'essayes d'indiquer, et puis et elle se lève et elle s'en va dans le couloir, du coup, très vite. La petite... voilà, donc elle est jetée hors de son propre appartement, évidemment. Donc la petite... du coup, en fait, elle, par contre, dès que tu t'es assis à côté, la petite a porté son regard sur toi, assez attentif. Okay. C'est pas des yeux spécialement apeurés, okay, mais très attentifs, tu vois, comme ce genre, comme si elle essayait de te lire à sa hauteur de gamine de 8 ans. Okay. Du coup, je vais tranquillement, bah, déjà ouvrir la boîte de bonbons et juste lui tendre avec un grand sourire sincère. Ok, elle va... Bah du coup, elle regarde la boîte un petit moment, elle relève les yeux vers toi, puis elle regarde de nouveau la boîte et elle en prend une poignée. Voilà, elle a l'air bien contente, elle sourit un petit peu. Parfait. Bien. Maintenant que je t'achète avec des bonbons... Je vais commencer par, tu sais, 2-3 petites questions pour commencer à créer la conversation de... Oh bah, tu regardes quoi là, à la télévision? Hannibal. Pardon. C'est génial. Oh, c'est génial. Pardon, je m'attendais pas. J'adore ce film. Très profond. Oh. Ah putain, ouais, c'est une bonne éducation ça. Bon, j'essaie de garder du coup mon... Ah, oh, c'est génial, t'aimes bien? Tu regardes souvent des trucs comme ça? Non, maman veut pas que je regarde de, ouais, de films comme ça. Je pense qu'elle a raison, non? Et je prends la télécommande et j'éteins la télévision. Non! Elle proteste un peu. C'est pas ma mère! Elle proteste un petit peu, mais elle te connaît pas et elle veut pas non plus attirer ton agression possible, du coup elle. Connasse! elle se plie à ta volonté. Ok. Bon, du coup, je suis quand même assez contente parce que du coup, ça veut dire qu'elle reste, entre guillemets, assez docile, donc c'est plus simple pour discuter. Et du coup, je vais tranquillement... en vrai, je vais prendre le coca qu'a laissé sûrement mon oui. Anglais. Je vais le prendre pour pouvoir, tu sais, me mettre en égalité avec elle, quoi. Je mange des bonbons, okay. Je bois du coca aussi. Ok, tu bois... Après avoir pris 2-3 bonbons à tes employés, tu prends son coca. Ça marche. Et bah, écoute, il faut ce qu'il faut. Et voilà, je vais commencer à faire... Bon, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais tu le vis comment, toi, tout ça? Ça a dû faire beaucoup pour toi, non? Ça va. Vraiment? Maman a dit qu'il arrive toujours que des merdes. On peut pas dire qu'elle a tort... Mais comment t'es arrivé là, au fait? Tu sais, la dame qui t'a amené à nous, c'est arrivé comment? Bah, elle est venue. Et tu l'as suivie? Oui. Elle a l'air sincère ou... Elle a l'air... Fais-moi un jet de volonté, on va dire. T'as fait 0, t'as fait 100? Ça fait un. Je peux annuler non, la campagne. Ah putain. Ok, cool. Alors. Ok. Tu n'es clairement pas la personne pour occuper les enfants, toi. Alors, non seulement t'es absolument certaine qu'elle te ment, avec une petite pointe d'agressivité d'ailleurs, et t'es certaine que genre elle vient de se renfermer entièrement, elle va pas vouloir te parler. Ah putain. Ok. Je la regarde un peu, tu sais, pendant une bonne minute sans réagir, tu sais, un peu blanc, un peu merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Elle te regarde et dit « Héroïne ?» Quoi ? Mais non, je touche pas à ça, moi. Tu touches à ça, toi ? Non. T'as quel âge ? 8 ans. Et Ok. Du coup, on parlait de... De... Vocation. Ah oui, bah oui, mes questions. Tu vois qu'elle te regarde droit dans les yeux. Genre, avec un regard vraiment... Un peu bizarre, genre... Encore le regard où... elle tente de t'analyser avec ses yeux de 8 ans. Et elle dit... vous êtes quelqu'un d'autre ? Non, enfin, voyons... je peux faire un jet pour voir si je panique. Vas-y, fais-moi encore un jet de volonté. Oh non, pas volonté, pire pitié. Ah, oh, c'est mieux. Et en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ? C'est qui cette fille ? Attends, ouais, Gotham, là, tout en bas. C'est vrai que j'avais oublié cette dualité du personnage. Comment je... Est-ce que j'arrive à... Ça se passe plutôt bien, ouais, pour un 25, okay. C'est quand même cool. C'est plutôt cool. Ok, je souffle un grand coup, je... Non, écoute, c'est compliqué. Bon, écoute, reprenons la conversation. Oui, on parlait de comment t'étais arrivé là, c'est ça ? Mm-hmm. Oui, ok. Oui. Est-ce que je peux voir un peu, d'un œil de quelqu'un qui est un peu plus habitué de la haute, de... quels sont ses codes, elle, sociaux ? Est-ce qu'elle a l'air d'être plus habituée de la haute ou pas, en fait ? Ouais. Tu sens, même sans G, tu sais okay. En tout cas qu'elle vient pas de ta société à toi, ça c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, tu sais que parce que ça fait que passer à la télé et tout ça, des informations sur sa famille, elle a été élevée par une serveuse de diner. Ok. Voilà. Ok, donc. Mes capacités à parler, à bien m'insérer parmi la haute, ne servent à rien avec elle. Très bien. Ça valait le coup. Ok, bah du coup, je vais laisser tomber un peu, essayer le côté de prendre des pincettes et tout. Je fais bon. Non, en vrai, sincèrement, c'est juste, écoute, on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que, bon, on s'attendait pas à te voir ici, d'ailleurs. Ça va, en vrai, tu te sens bien ici pour l'instant ou... On rallume la télé ? Oui, on rallume la télé. Je rallume, je remets le film. Elle regarde l'écran. Okay. Je laisse passer un peu de temps, vu qu'elle a esquivé la question, tout ça, pour pas être sur ses côtes et qu'elle ne se sente pas oppressée. Et au bout d'un moment, je vais quand même lui poser la question de... Bah, si elle a envie, tout simplement, de je sais pas, d'essayer de retrouver son père, ou quelque chose comme ça. Je veux retourner avec maman. Elle est pas au courant, donc. On est bien d'accord, hein, je suis pas folle, hein. C'est bien les informations qu'on a, c'est que sa mère oui, est morte. Elle est capoute. Ok. Ok. Ah, j'ai pas envie d'annoncer ça à un enfant de 8 ans. Putain, ta mère est morte, petite, t'as parti faire. Tu vois les gens dans le film là. Je prends une petite assertion chez. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué, non? Pourquoi? Bah, juste pour info, sa mère, elle est morte comment déjà? C'est l'accident, c'est ça? Ouais, l'accident de voiture qui avait l'air d'être volontaire. C'est ça. Mangé par un tueur en série. Littéralement. Je crois que ta mère a eu pas mal de problèmes récemment. Et la dernière nouvelle, elle était pas vraiment en bonne santé. Elle est à l'hôpital? Je pense qu'elle l'est. Je sais pas si elle y est encore. Elle a eu un accident sur la route. Elle est retournée en détox? Non. Honnêtement, j'aurais préféré pour toi. Ça aurait été plus simple. Je réponds du coup avec ma main gauche sur le téléphone. Je suis en train de faire au mieux. Et j'écris de manière très... Enfin, en gros, tu peux comprendre que c'est Xavier à ce moment-là. Le SMS, il scelle un peu le jeune entrepreneur. Il y a des majuscules, des points, c'est des phrases. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens que c'est pas le mot de Yasmine, quoi. Donc, je réponds ça en même temps que je suis en train de lui parler. J'aurais préféré, mais non, honnêtement, elle a eu un accident de voiture et, dernière nouvelle, sa santé n'était pas vraiment très bonne. D'accord. C'est pour ça que je te demande un peu comment tu te sens ici, etc. Parce que je comprends que nous, on n'a vraiment aucun intérêt à te faire du mal ou quoi que ce soit, et que même si on pourrait juste te ramener à ta... C'est ça, un manoir? Oula, non, ça, c'est un immeuble. Maman a dit qu'on allait avoir un manoir. Malheureusement, je crois que ça va être compliqué vu tout ça, mais... T'aimerais vivre dans un manoir? Ça a l'air bien. Et l'immeuble, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? C'est moche. Alors, ça oui. Il y a moins d'argent dans un immeuble que dans un manoir. Tu apprendras ça. Mais il y a des bonbons. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est bien. Tu connais que ta maman? Non, je connais... En termes d'adulte, je veux dire. T'as des amis à elle, des choses comme ça? Oui. Par exemple? Je connais pas leur nom. Alors, je crois qu'on travaille sur PC les contacter, etc. Enfin, bon, écoute, je vais pas te mentir, tu risques de rester un peu avec nous quelques temps. Sens-toi à l'aise, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous demandes, t'en fais pas. Dis-toi, c'est comme des petites vacances que tu passes avec nous. Et nous, on va essayer de faire au mieux pour toi, d'accord? Non, les vacances sont pourries. Oh, hey, tu regardes un film avec des bonbons, je suis désolé. C'est pas mal. Elle hausse les épaules et regarde l'écran. Pas, si tu la mets pas, je te retire le film et je te mets devant les informations. Elle te regarde. Et j'admets. je rigole un peu volontairement et... Je me lève et je vais aller chercher mon employé pour qu'elle puisse reprendre sa position initiale. Par contre, je lui préviens qu'il n'y a plus de cola. Tu sors de l'appartement, tu la trouves assise dans le couloir, pas loin de la porte, au sol. Elle te regarde, du coup, quand tu lui annonces la nouvelle du Coca-Cola, elle a l'air un peu déçue. Je t'en rachèterai, t'en fais pas. D'accord. Et elle rentre dans l'appartement, du coup. Je descends voir les autres. Bon. C'était compliqué. Ouais. Globalement, elle a... Bon, elle a 8 ans, c'est normal, hein, mais elle a pas conscience de grand chose. J'essaie de lui parler un peu de l'état de sa mère, etc. Tu lui as dit qu'elle était morte? Non, je lui ai dit qu'elle était en mauvaise santé. Je lui ai pas dit. Ouais, T'aurais pu dire. C'est sûr que on peut temporiser. Pas faire plus en mauvaise santé que ça. Effectivement. Non mais je vais parler de l'accident, etc. Mais je voulais pas, enfin que le premier contact se passe sur quelque chose d'aussi marquant. Tu as pas fait bêtise, tu as pas dit ton nom ou quoi que ce soit. Hein. Non, pas du tout. Mais, de toute façon, enfin, bonjour d'ailleurs. Yasmine m'a abandonné au milieu du parcours. Du coup, j'ai un peu fait comme j'ai pu. Et bon, là ça va, c'était s'occuper d'un enfant, c'était mignon, moi j'aime bien. Mais voilà, c'était un peu compliqué du coup à gérer. Mais du coup, tout ce que j'ai appris, c'est que globalement, elle sait même pas qui est Bruce Wayne. Enfin, la seule chose qu'elle sait, c'est que sa mère lui a dit qu'ils vont aller vivre dans un manoir, quoi, et c'est tout. Ouais, et qu'elle n'aime pas notre HLM, je tiens à le dire, notre HLM n'est pas... C'est intéressant ça par contre comme info, est-ce que ça voudrait dire que elle avait contraint Mr. Wayne à l'héberger ou à lui acheter un truc? Je pense, hein. Mais après peut-être qu'elle partait du principe qu'elle allait gagner le... Là. Enfin non, personne part du principe qu'il va gagner au tribunal contre Mr. Wayne. Oui, c'est vrai. Mais moi la seule question... Elle n'est pas mentir. Pardon ? La seule question que je me pose, moi, c'est l'accident en voiture. C'est pas celui où elle a été kidnappée. Bah, j'ai essayé de... Enfin, Yasmine a essayé de comprendre quand ça s'est fait kidnapper, etc. Mais elle a été très floue avec Yasmine et c'est là-dessus qu'elle a paniqué et qu'elle a disparu. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Parce que si c'est arrivé à ce moment-là, c'est probablement que c'est un dommage collatéral de l'enlèvement. Mais si c'est arrivé à un autre moment, c'est peut-être en effet une manière de se débarrasser de quelqu'un qui pourrait révéler des infos. Le truc, c'est que c'est Harley Quinn qui nous l'a ramené. Bruce Wayne n'engagerait pas Harley Quinn. Pourquoi tu as besoin de faire disparaître quelqu'un. Tu utilises même Bruce. Dans ma tête, en tant que milliardaire, tu vas engager un tueur à gage, quelqu'un de... Enfin, tu vas pas aller chercher des personnalités comme Harley Quinn. Oui, mais réfléchis, si jamais quelqu'un de trop de... Si jamais c'est juste... Oh, mais non, mais en vrai, ouais, ça fait sens. C'est quoi l'option à part que tu as... En vrai, je suis d'accord. Peut faire une belle diversion, ouais. Les milliardaires, c'est pour moi, ont quand même... enfin, c'est quand même des gens propres, quoi. Genre, ils travaillent et... Ça me fait bizarre de les voir collaborer avec. Tu sais, certains ont plus de sang sur les mains que Marco, hein. Alors, je ne pourrais pas te juger parce que... Je veux pas déranger votre relation avec Yasmine. Vous avez quand même pas mal de sang sur les mains. Je pense que Wayne en a moins. Petite question. Bizarre, toi. Petite question. Mais ça, c'est juste pour éclaircir. On est d'accord que Xavier, quand il est pas là, il a pas conscience de ce qui se passe quand c'est Yasmine aux commandes. Ça dépend des moments. Et donc là tu dis que en gros le moment où Yasmine a posé la question sur comment elle est arrivée là avec Harley Quinn, Xavier il le savait ou c'est... Oui, en vrai c'est un moment calme, etc. Ça fait pas partie des triggers de... D'accord, ok. Non, c'était juste Xavier, pour donc savoir. En vrai, c'est le moment où... Ouais. Bah... Après, faudrait vraiment que nous, de notre côté, on essaie de savoir si ça peut être vite un problème si on la garde chez nous. À savoir si vraiment il y a une recherche active de la fille ou pas. Et ben pour ça, il faut savoir dans quel contexte est-ce qu'elle a été kidnappée, dans quel contexte est-ce que la mère est morte. Parce qu'en effet, ça se trouve, tout le monde s'en fout. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Harley Quinn nous l'aurait donné? Mais peut-être que Wayne l'a baisé, c'est-à-dire il lui a donné que la moitié argent ou pas plus complètement. Ou quelque chose comme ça. Ou alors l'enlèvement n'avait rien à voir. En termes de recherche, la mère. Oui, pardon. En termes de recherche du coup de la disparue, ils en parlent quand même très souvent à la télé. Et ils disent que la police est à fond dessus. Après. Oui, c'est vrai. Voilà. Après. Tu l'avais dit. Après, c'est les médias. C'est pas forcément genre Wayne. Parce que, de ce que j'ai compris, là c'est plus la chose que Xavier qui parle, parce que Xavier n'a pas cette mentalité. Mais Vu que Wayne joue la carte de appel, tout ça, si tu m'entends, etc., mais qu'il avait l'air de partir du principe de nier que c'était sa fille dans les tribunaux, etc. Oui, ils font ça pour lancer le procès. Oui, c'est ça. Je pense que. Ouais, mais pour nous, de notre côté, juste médiatique, quoi. Il faut quand même qu'on fasse assez attention sur l'exposition de la petite et que limite elle reste dans le Mayali, enfin le Ahor Alibi, pardon. Et qu'elle en bouge pas, quoi. C'est vraiment, elle doit pas sortir. Malheureusement pour elle, ça va être un peu la prison. Oui, on l'emmène pas au square. Oui, non, clairement. Ah, ça, c'est un risque de. Après, je lui ai prévenu qu'on allait la garder un petit moment, le temps qu'on sache. Est-ce qu'il y a évoluent. Pas une terrasse sur un des apparts qu'on a? Parce que pire, est-ce qu'on peut pas lui aménager un espèce de petit truc En vrai, il faudrait qu'on regarde. Il doit y avoir des balcons. Ah mais balcon. Ouais, c'est limite. Tu peux lui mettre du faux gazon. Sinon moi. Quoi, ça mange de l'herbe. Sinon moi, en parallèle de ce qui est en train de se passer avec la petite, parce que bon mine de rien, ça nous tombe sur le coin de la figure, mais j'imagine que à côté de ça, on avait des choses à faire oui, aussi de notre vrai, côté, hein, parce qu'on n'est pas en mode nounou là, à 100%, donc on avait des choses à faire. Du coup, est-ce que tu peux juste me rappeler, parce que là, tu as dans ton introduction, tu m'as amené à discuter avec avec quelqu'un, je sais même plus qui c'était d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Qui m'a emmené dans un lieu où j'avais vu sur quelqu'un. Oui, c'est le policier Laristobar qui est ton informateur. Oui. Oui, c'est vrai. Ok. Qui voilà que tu avais déjà rencontré dans la campagne précédente. Oui, là, ouais. Voilà. Qui t'a donné des informations sur la présence du coup d'une personne dont tu as envie, que tu as très envie de rencontrer à nouveau, qui est du coup dans une petite ville à 3 heures d'ici, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ok, bon c'est pas. Il me semble que j'ai dit 3 semaines. Oui, après je voilà, c'est sur le coup, j'essaie de parce que là la fille est arrivée très vite sur le devant, du coup j'ai un peu switché. Mais à côté de ça, mis à part la petite, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on était susceptible de faire là, ou c'était vraiment pour l'instant on est un peu en mode on fait ce qu'on veut? Techniquement, vous êtes plutôt libre. Vous avez vos affaires du coup maintenant de chef de gang en quelque sorte, même si vous êtes quand même toujours sur le terrain. Vous avez vos nouveaux territoires, vous avez vos nouveaux voisins, vous êtes dans une nouvelle situation géopolitique, pour ainsi dire. Mm-hmm. Donc il y a sûrement des choses à faire. Pour l'instant, vous êtes plutôt seul dans votre quartier. Ça dépend aussi à quel point vous voulez faire des choses en particulier. En tout cas, il n'y avait pas d'événement particulier. Parce que faut remplir les caisses. On a quand même besoin que le cash rentre dans la maison. Pour déjà payer les gens qu'on devrait payer et asseoir notre pouvoir sur le secteur où on est. Tu me dis si je me trompe, mais je pense que ce qui est établi, c'est que depuis la pause qu'on a, on a établi une sorte de travail qui nous procure un flot de revenus permanent, bien que ce soit pas sans doute mirobolant, mais enfin je veux dire vu qu'on contrôle un territoire et que on a dit que on avait peut-être une combine vis-à-vis des chantiers de construction, de la gentrification de Gotham et tout, enfin de Arkham City, tout ça. Donc je pense que maintenant, on a quelques sources permanentes de revenus avec le bar, tout ça. Puis on a tout ça. Tu me dis si je me trompe, bien sûr. Du revenu passif. C'est correct. Vous avez une affaire qui tourne, en tout cas. Après, tout dépend d'à quel point vous voulez vous contenter de ce que vous avez. J'ai quand même l'impression que Marco, il veut pas en rester là. De ce que j'ai compris, mon petit Marco, lui, il faut qu'il... Il y a de l'ambition. Certes, mais moi j'aimerais bien qu'on... Je suis désolé, hein, mais j'aimerais bien qu'on aborde toujours le problème brûlant. Moi, je veux bien parler plan à venir, mais là, on a quand même... une personne très recherchée par beaucoup de choses. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout le monde? pour ça. D'avoir tout le monde. Est-ce qu'on est tous obligés de s'en occuper? Alors, je pense que les uns d'entre nous. D'accord, mais là, je parle de décider de venir. Donc, si tu veux, tu peux me donner ta voix. Et dans ce cas-là, moi. je suis d'accord avec Marco. C'est quand même. Enfin, c'est pas rien là qui vient de tomber sur les épaules. Oh, je t'écoute. Allez, vas-y. Donc, moi, je vois trois possibilités. Parce que on peut pas savoir, mais on pourrait essayer d'estorquer Wayne pour rançon, mais on n'est pas sûr que ça marche parce que peut-être il est blessé. Mais du coup, sinon, on pourrait la tuer et vendre ses organes pour que ça nous apporte quelque chose. Non, moi je refuse. Et vous allez dire que tout. Wayne a plus de sang sur les mains que vous. Attendez, j'ai pas fini. Parce que sinon, l'autre solution que je nomme 2B, ce serait vendre peut-être, je sais pas moi, les gens du parc ou quelque chose comme ça ils en font ce qu'ils veulent, même si je pense que ça apportera moins qu'Organ. Mais non, on n'est pas en Yougovie ici, on est aux États-Unis. J'ai pas. Laissez-moi terminer. Et troisième, que ça pourrait être bénéfique pour nous, ce serait. Bon, vous savez, il y a policier qui vient boire coup de temps en temps, alors les billes, tout ça. Et puis, c'est des amis un peu, tu sais, ils nous connaissent, on les connaît, et puis voilà. Si c'était ces policiers-là qui retrouvaient par mégarde petite dans. Comme ça, ça ferait gagner influence à Miano, et service, is business, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez, moi j'ai ça. Une idée à vous proposer, mais elle est un peu dingue. C'est quoi? Alors, je dis pas qu'on est obligé de le faire. Mais je soumets juste l'idée. Est-ce que ça serait pas, si vous voulez médiatiser le truc et y aller jusqu'au bout, on crée un faux super vilain, genre un nouveau super vilain avec un nouveau costume, etc. On filme, on le met en scène dans une espèce de studio de tournage qu'on aménage là sous le Maya Lebi ou je sais pas où. On se filme avec l'otage et on poste ça genre sur les réseaux sociaux, etc. Pour attiser une espèce de. Comment dire de. Et puis en plus, comme ça, on détourne le regard de nous. Je sais pas si vous voyez l'idée. Je vois bien l'idée, mais c'est un enfant. Vous n'êtes pas encore au courant que c'est Harley Quinn qui l'a déposé, que l'enfant peut-être qui est traumatisé par ce qu'il a vu. Ils font des TikTok depuis des années à cet âge-là déjà, t'inquiète pas. Non, mais alors, elle a pas réussi à dire comment elle est arrivée là. De ses propres mots, elle a juste suivi la dame. Enfin, je pense que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Vous voulez que je lui fasse un petit. Le monsieur là-bas a raison. Attendez. Non. Après. Je pensais quatrième possibilité, mais je vous laisse finir. J'ai réfléchi beaucoup. C'est une gamine, donc elle va dire tout ce qui s'est passé si on lui demande. Je veux dire, Harley Quinn, elle m'a laissé chez eux. Ils m'ont donné un coca ou une connerie. Puis après, ils ont fait leur truc. Et puis voilà. Donc nous, on va se retrouver comme des cons. Voilà. Donc. Il faut la garder. Non, mais après, on peut toujours faire en sorte de la livrer à la police, donc la nôtre, hein, celle qui vient ici, comme l'a indiqué Marco. Et voilà, je veux dire, tout simplement, ils diront qu'ils l'ont retrouvée quelque part, et puis voilà. Parce que plus on va la garder, plus elle va s'habituer à nous, et plus forcément elle aura envie de parler de nous. Si on passe chez nous très rapide... Ou alors on la garde définitivement. J'ai un autre plan aussi. Si jamais c'est très rapide, donc je me permets. Si le plan est de prendre soin d'elle, si vous voulez, je connais l'adresse d'un bon psy. Et puis déjà, il pourra peut-être essayer d'éclaircir le truc, de savoir pourquoi est-ce qu'elle sait pas exactement, etc. Parce que c'est quand même son métier à la base. Moi, je suis d'accord. Hein. Voilà. Ou alors, imaginez, on la tue. Non. Arrête de vouloir tuer les gens. Marco, il y a que des trucs horribles. Et en fait, elle a 8 ans. On envoie Clochard. Non, mais elle a 8 ans, arrête. Attendez. On envoie Clochard. Mais... Envoyer demande à rançon à Wayne. Non. Et on met Corse dans la rue. Non. Et on met un black mask à côté et on dit Wayne, tu as répondu trop tard. Et tu n'as pas voulu. Mais du coup, on ne fait pas d'argent avec ton plan. Oui, mais comme ça, police est reçu Black Mask. Non, mais, ouais, mais arrête de vouloir tuer les enfants. Les gens, on va pas tuer les enfants, s'il te plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez, moi, je m'en occupe. Hein. Je prends le relais sur Yasmine et je m'en occupe. Voilà, je viens. Je me porte garant. Bon, je t'envoie le numéro de votre son. Tu l'as déjà, le numéro du psy. Attendez, on peut aussi la décapiter. C'est cette gamine, elle va être traumatisée avec nous. Marco le fou furieux. Bon, écoutez, je donne ma voix à Yasmine. Moi, je vais voir un peu ce qui se passe dans le business parce que j'ai autre chose à foutre que m'occuper d'une gamine. Moi, je demande à ce que Marco aussi aille voir le psy, parce que là, il m'inquiète. Je pense que son enfance, elle a dû être particulière. Il vient du Gauvier, donc déjà, c'est compliqué là-bas. Je demande à 4 pour entrer dans l'armée, lui avoir dit que j'étais pas pour faire. En Yougovie, t'es majeur et responsable de tes actes à partir de 5 ans. C'est-à-dire que ah ouais, c'est tu dois être autonome. Bon, en vrai, je veux bien emmener Marco chez le psy en même temps que la gamine. Tu as un problème, toi. C'est toi que j'ai. Il va tuer le psy, Marco, arrête. Ok, très bien. Donc, si j'ai bien compris, le groupe se divise avec du coup Yasmine qui va vouloir aller amener la petite au psy. Et Pi qui veut voir un peu comment ça se passe dans le business. Voilà. Surveiller un petit peu. Qui veut aller avec ces deux personnes et qui veut d'autres options? Ouais, je vois. Je suis plutôt Team Yasmine, moi. Moi, j'ai compris que, apparemment, bon, meurtre pas populaire enfant aux États-Unis, donc je propose le plan Plic et je propose Jean-Baptiste. Comme ces personnes, ils passent dans notre bar, ça serait bien de trouver sur eux, genre, c'est pas moi. Il va sur le site pornographique, machin, alors, Dieu, maintenant que tu parles à Jean-Baptiste, il n'est plus là. Quoi? C'est vrai qu'il est parti. C'est dans textuel. Il est parti s'occuper de la gamine parce que lui, il a un cœur. Contrairement à vous, là. Yes, Jean-Baptiste, reviens. Mais... Bon, ok, donc... Mais il n'a pas donné sa voix. Mais c'est triché, c'est un coup d'état. C'est pas démocratique. Je vais perdre. Je demande... Ok, bon. Bah, moi, je vote pour mon plan. Ok, bon. Pendant qu'il y a un débat sur le modèle démocratique à mettre en place en République de Yougovie du Hour Alibi, il y a JB, du coup, qui a quitté votre réunion sans dire à qui que ce soit, et qui a donc monté les escaliers, a été dans son appartement pour chercher des marshmallows et du chocolat, et qui a été rejoindre l'appartement qui est maintenant, a priori, un moulin. Voilà, je rappelle que c'est là où vos employés dorment, vivent, ont leur moment loin de vous. On les fait dormir sur les places de parking. Du coup, tu rentres dans l'appartement et tu retrouves du coup, les deux sur le canapé en train de regarder, a priori, un film. Le film a changé, c'est maintenant Scream 6. Ah. Salut les filles, je vous ai fait du chocolat et des marshmallows. Je peux m'ajoindre à vous? Tu vois que Megan, votre chère employée, elle s'écarte directement sur le côté pour te laisser de la place. Et la petite, elle te regarde et elle acquiesce, vite fait. Ok, cool. J'aime bien ce film. Vous savez que c'est un des meilleurs films qu'il y a, quand même. Enfin, un de mes préférés, d'ailleurs. Y a pas assez de sang, dit la petite. Ah, si tu veux, je te montrerai un autre film où il y a beaucoup plus de sang, mais il n'y a pas de souci. Dis-moi. Tu aimes quoi comme type de film? Oula. Les snuff movies. Non. Les films qui marchent. Mm-hmm. Bien, c'est une bonne réponse. Hein. Putain, elle est bien élevée, cette gamine. Je me tourne vers Megan. Megan la caisse. Je regarde Megan si elle se sent rassurée à côté de cette gamine. Comment ça? Enfin, à son regard, quand je lui dis elle est bien élevée, cette gamine. C'est l'air de dire, est-ce que c'est un danger pour elle-même ou... Tu vois, Megan n'a pas spécialement l'air de comprendre la question dans ton regard. Je me retourne vers la gamine. Et c'est ta mère qui te montrait ce genre de film? Non. Ou c'est Harley Quinn? Non, j'ai commencé aujourd'hui. Je me retourne vers Megan. Mais qu'est-ce que tu fous, Megan? Je paye plus mes abonnements. Donc j'ai tiré un DVD et c'était le seul que j'avais. Ah. Si tu veux, je te paierai un peu plus pour... Ou... Pourquoi tu viens pas me voir? Je suis pirate. Je peux te pirater tout ce que tu veux, là. Tu veux quoi comme film? Je me retourne vers... Mais vous êtes mon patron. Oui, mais t'inquiète. Je peux m'occuper de ça. Y a pas de souci. Vous faites du bon boulot, donc je peux vous pirater plein de films. Là, je m'assois sur la table basse devant les deux filles. Je fais, vous voulez quoi comme film? Je vous pirate tout ce que vous voulez comme film. Tu vois que Megan a dit, je ferai une liste. Okay. Je me retourne vers la petite. Avatar, The Last, quelque chose. Ah, le dernier maître de l'air. Peut-être. Je te téléchargerai. Le dessin animé ou le film? Oui. Les deux? Ok. Quoi d'autre comme film? Je sais pas. Bon, tu feras une liste avec Megan. Moi, je vais regarder le film avec vous. Si ça vous dérange pas. D'accord. Et je vais commencer à l'analyser de bas en haut, la gamine. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un G. Avant de faire un G, dis-moi ce que tu recherches. Je vais rechercher si elle a été droguée. À son insu, pendant qu'elle était chez Harley Quinn et tout ça. D'accord. Et si elle a des piqûres. Fais-moi un jet d'attention, du coup. J'ai fait 27. 27, ok. Tu regardes, du coup, tu l'auscultes un peu du regard. Et tu finis par te. Tu cherches l'idée des yeux dilatés ou ce genre de choses. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Des pupilles dilatées. Ce genre de choses, tu cherches des traces de piqûres, quoi que ce soit, et il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est une petite qui a l'air d'être pas en parfaite santé, mais pas dans le sens qu'on s'occupe mal d'elle. C'est plus, elle a l'air de peut-être de venir d'un foyer où il y a des difficultés économiques. Mm. Et du coup, peut-être qu'elle n'a pas tout le temps des grands repas. Mais voilà. Et sinon, elle est assez bien. Ok. Les filles, si vous voulez, je peux préparer un bon repas pour nous tous, avec toute l'équipe. Comme ça, on peut fêter vos fiançailles, déjà. Megan et... Je me rappelle pas du nom, vu que je suis en train de redescendre au niveau drogue. Du coup, son copain... le copain, c'est Alex, et la petite, oui, c'est Alina. Alex. Et si tu veux, petite, c'est quoi ton prénom? Alina. Enchanté, moi c'est Jean-Baptiste. Tu peux m'appeler JB, beaucoup de gens m'appellent JB ici. Ou White Rabbit si tu veux. Enfin bref. Du coup, tu pourras venir manger avec nous. Il y aura un. Ce sera pas un grand. Ce sera un grand repas, mais. On okay. Essaiera Pendant que tu débites des paroles et des paroles et que tu leur proposes du coup de leur faire un repas, c'est le moment où la porte de l'appartement se réouvre et du coup tu trouves Yasmine, qui est. Enfin, Yasmine. Xavier. Qui est là et qui vient donc, bah, du coup, a priori, chercher la petite pour l'amener au moins au psy pour essayer d'avoir ses souvenirs. Avant de décider si vous la mettez au flic ou pas. En tout cas, il est temps de voyager. Je l'accompagne, Yasmine. Bien sûr, mais viens. Xavier, désolé. J'ai du mal avec vous deux, mais t'inquiète, un jour, je m'y ferai. Ouais, de toute façon, je suis pas souvent là, donc... Je prends la voiture, c'est moi qui conduis. Premier, j'ai pas pris de drogue. C'est une indication très quelques phrases avant, il a dit « Je viens à peine de commencer à redescendre. » Très bien. Ok. Donc, JB, Yasmine et la petite vont prendre la voiture jusqu'au chez le psy. Tandis que Ruby, Marco et Pi... Alors Pi, il a dit qu'il voulait voir un peu le business, mais du coup, Ruby et Marco, qu'est-ce que vous souhaitez faire en attendant que les élections aient lieu ? Moi, je vais regarder du côté des... Des flics, je sais pas, est-ce que comme ça, on a des flics qu'on connaît particulièrement, des gars qui nous ont fait des petites ristournes, à qui on donne du cash. Tiens, par exemple, les mecs qui nous avaient laissé rentrer là de la task force, je sais plus s'ils étaient des flics ou si c'était la société privée là, les mecs qui nous avaient fait. Comment ça, laisser rentrer d'eux? C'était des mecs qu'on avait dû grave payer là, je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'était ceux de la NETS, la milice payée par la mairie pour séparer la ville. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent eux, déjà? Ils sont toujours présents, sauf que la police a un peu forcé. Elle a fait un peu preuve de, elle a fait 2-3 petites manifestations, ce genre de choses, et on lui a donné ce qu'elle voulait. Donc, ils s'occupent seulement vraiment de la frontière maintenant entre Gotham et Arkham City. Même l'intérieur d'Arkham City est de nouveau maintenant sous responsabilité des policiers qui, comme je l'ai dit dans la dernière session, commencent maintenant même à s'installer là avec des foyers et ce genre de choses. Donc, leur présence est maintenant réduite. Très bien. Mais est-ce que du coup, on connaît des flics d'une façon ou d'une autre Oui. Ce genre de choses. Eh bien, vous connaissez par exemple déjà l'Aristobar, oui, qui est un contact de Pi et qui vous a déjà donné 2-3 informations par le passé. Mais Larry, lui, il aime pas. Il vient pas, par exemple, à votre bar. Il semble qu'il fait des affaires avec vous, mais il reste quand même assez éloigné. Si ce n'est au moins par sécurité, peut-être parce qu'il n'a pas spécialement de loyauté envers vous. Mais vous avez 2-3 flics, en effet, qui, comme je l'ai dit, viennent de temps en temps au Hour Alibi depuis que les gens ont commencé à s'installer de nouveau à Arkham. Donc, est-ce que tu veux aller vers un de ces flics-là ou tu veux plutôt aller vers Larry ? Larry, c'est un officier. Pardon, c'est un officier ? C'est... ouais. C'est, je peux pas te donner de grade parce que je les connais pas. Mais c'est bien. C'est pas un mec de base, en tout cas, voilà. Il est pas non plus très haut, mais voilà. Bah, je pense que je vais aller voir un détective privé. Ok. De préférence, quelqu'un à la réputation de pas avoir de morale, quoi. Un mec qui peut être employé par le monde du crime ou quoi. Et je vais lui demander de le mettre sur la piste de Larry. Et que je veux tout savoir sur lui. Ok. Alors, alors, si j'aurais été mieux préparé, j'aurais les noms des détectives de la campagne précédente et j'en aurais choisi un parmi ceux qui ont survécu. Mais je ne les ai pas en tête. Donc ce sera un homme qui apparaît maintenant. Et il s'appelle Martin Keller. Qui est donc du coup un détective privé. Donc qui fait un peu tout pour un peu tout le monde. T'as eu son contact de la part de Looney Royal, qui est un de vos hommes de main maintenant et qui a pas mal de contacts. Et il est déjà venu au bar à une ou deux reprises. Tu prends rendez-vous, tu l'appelles pour qu'il vienne au Hour Alibi, c'est ça? Non, je viens de celui-là. Je viens de celui-là. Ok. Très bien. Très bien. Du coup, tu... Qu'as-tu à lui dire? Dis-moi. Et je veux que vous enquêtez sur l'Aristobar. Je veux tout savoir sur lui et je veux des choses compromettantes. Je veux, si jamais il a tué quelqu'un, écrasé, si jamais il aime avoir sexe avec animaux, je veux tout savoir. Ok, très bien. Le classique. C'est qui ce Larry que je sache où chercher ? Détective du GCPD. Ah oui ! À vous. Vous n'êtes pas à la recherche d'informations sur le mec qui a baisé votre femme, quoi. Non. Ok, d'accord. Bah, avec tout, avec toute, toute ma sympathie, évidemment, vous savez que les flics, c'est quand même plus cher que les autres. J'ai pas problème. Très bien. Si le client a ce qu'il faut, j'aurai ce qu'il faut. Et je veux des preuves, surtout. Si jamais il rentre dans un club bizarre, je veux photo. Si jamais il veut, il passe à père à je sais pas qui, je sais pas quoi, dealer de drogue, je veux enregistrement. Je suis prêt à payer très cher. Ok ? Très bien, vous aurez du travail bien fait. Je vais m'y mettre, vous aurez sûrement un premier rapport d'ici 3 jours, je dirais, plus si c'est plus... Si c'est compliqué que prévu, je devrais peut-être couper les communications pendant un moment, ça dépend. Mais attendez-vous à quelque chose dans les 3 jours à venir. Très bien. Je paye cash. Je veux pas apparaître sur ligne de comptabilité, c'est clair ? Évidemment, évidemment. Et ils sont rares les gens qui veulent apparaître sur ligne de comptabilité avec moi, vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir. Très bien. Ruby, tu voulais faire quoi ? À la base, je voulais suivre Yasmine. J'avais dit ok. Je pense que je vais surtout me contenter de contacter le psy. Ok. Du coup, a priori, j'ai l'autorisation des autres d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Après, je pense que je vais pas en parler directement au téléphone. Mm-hmm. Je vais lui dire que j'aurais besoin de lui pour un service en particulier. Du coup, pour sa tâche principale, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas expliquer exactement de qui il s'agit, on ne sait jamais. Okay, et je pense que je vais lui donner rendez-vous tout simplement au Hour Alibi. Au Hour Alibi, parce que les autres ils sont partis en voiture le rejoindre. Ils sont allés directement chez lui ? Ouais. Ah, bah, j'ai pas compris ça, excuse-moi. Bah, oui, ouais. Dans ce cas-là, bah, non, du coup. Ok, très bien. Bon, tu l'as contacté, t'as pris rendez-vous. Je pensais que c'était que pour l'autre. Ok, ouais, parfait. Non, t'as pris rendez-vous et tu es monté dans la voiture avec JB et. Ouais, c'est ça. Et Xavier. Très bien. Avant de passer à vous, je vais m'attarder un peu sur Pi, qui du coup travaille de son côté et il a l'intention d'avoir un business florissant. Mm-hmm. Donc, il tient au courant des affaires. Et donc, tu m'as dit que tu voulais contacter Looney Royal aussi ? Oui. Ouais. Enfin, l'Aristo, non. L'Aristo, je laisse tomber, mais c'est en fait, je voulais Looney. Ok, très bien. Donc, tu appelles Looney Royal, qui te répond. Et il dit... oui, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi... T'aurais des infos ou tu pourrais me trouver des infos sur la petite Wayne, tu sais, celle qui s'est fait enlever là, qui a disparu là. Oui, je pourrais. Après, ça va être compliqué parce que je suis pas le seul sur le coup. Comment ça ? Tu te doutes bien que quand une riche héritière disparaît en plein Gotham, tout le monde se dit que ce serait une bonne occasion de la récupérer. Ouais. Tu pourrais me dire, quels sont les gros bonnets qui sont sur l'affaire ? C'est de voir si... Alors attends, je vérifie mon petit carnet de notes mentales. Alors, je sais bah, évidemment que les potes à Black Mask ont dû envoyer leurs propres gars. J'ai cru comprendre que c'était Léonide et Alberto. Alors, bon, je sais pas si tu les connais, mais eux, il vaut mieux pas les croiser. C'est des gars plutôt efficaces. Donc, okay. Je pense qu'ils doivent être en ce moment en train d'arracher des ongles pour essayer de la trouver. Ok. Honnêtement, je pense que. Tous ceux qui ont de l'argent ont dû envoyer quelqu'un, donc il doit y avoir aussi les triades ont dû envoyer une ou deux personnes. En plus, ils sont habitués du trafic humain, donc ouais. Donc tu penses que tôt ou tard ils finiront par la trouver. Je pense que s'ils posent les bonnes questions là où il faut, oui. Mais c'est Tu veux la trouver toi aussi, c'est ça? Non, en quelque sorte, mais disons que c'est plus savoir si ça vaut le coup qu'on s'y frotte, si on n'a pas des plumes à perdre dans l'affaire. Ouais, je vois, je vois. Bah écoute, je peux aller essayer de voir, contacter 2-3 gars que je connais, pour en savoir plus sur ce qui se passe, où est-ce qu'elle pourrait être, ce qui a pu lui arriver. Moi, honnêtement, en simple conseil, évidemment, c'est vous qui décidez, hein, les patrons. Mais si j'étais vous, si je mettais la main dessus, je me dépêcherais vite de demander la rançon et de m'en débarrasser, parce que même si on la possède, il y a forcément les autres gars qui continuent à chercher. Tu vois ce que je veux dire? Je serais tenté de te dire la même chose. Hein. Je serais tenté de te dire que t'as raison. Maintenant, bon, c'est pas le cas, donc j'ai pas à me poser la question, mais... Ok. Sinon, t'as entendu des choses qui se passent dans le quartier? Il y aura des soucis particuliers à vérifier? Des soucis, non. Je suis passé par le... au sud de la pointe. Ouais. Voir un peu ce qui se passait chez les Mexicains, enfin les Hispaniques en tout cas, bon. Il vous reste assez, assez sympathique, donc ça reste à vous. Okay, tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. C'est cool, c'est toujours bien de savoir que le business se déroule bien. En tout cas, si tu entends quoi que ce soit, soit par rapport à la fille ou autre chose, hein, n'hésite pas à me contacter. Très bien. Allez, salut. Salut. Et il raccroche. Alors, en effet, vous ne vous en souvenez peut-être pas, parce que c'est vrai que du coup, la carte que vous avez maintenant, c'est la nouvelle. Mais dans les parties du coup que vous avez absorbées dans votre territoire, il y avait, à votre sud exact, il y avait la partie qui était un peu Crackland, où il y avait tous les crackheads et tout ça qui appartenaient à The Whale. Du coup, avec la disparition de The Way, ce quartier est tombé par défaut sous votre domination. Vous me direz si vous avez un peu nettoyé ou si vous avez gardé Crackland pour être sûr de pouvoir y vendre des choses. Et encore plus au sud, à la pointe sud dont il parlait, il y avait une espèce de petit cartel autonome de Mexicains qui maintenant du coup est aussi sous votre aile. Ils sont techniquement indépendants, c'est-à-dire que c'est pas vos hommes, mais disons que vous êtes un peu avec eux dans la situation dans laquelle The Whale était avec ses propres employés. Disons qu'ils ont leur petit truc, mais ils sont sous votre protection et ils vous doivent du coup quand même, peu importe comment vous êtes arrangé, que ce soit de l'argent, un pourcentage, ou en tout cas qu'ils puissent vous rendre service dès que vous le demandez, ce genre de choses. Enfin, des vassaux indépendants. Voilà, des vassaux. Des vassaux. Voilà. Ok. Très bien. En tout cas, je suis plutôt tranquille. Ouais. Le business se déroule bien. Par contre, je commence un peu à stresser. De par le fait que ce qu'il m'a dit sur toutes les personnes qui ont été mises dans la boucle pour essayer de la retrouver. Donc très vite, je vais essayer de joindre tout le monde. Et qu'il va falloir s'en débarrasser de la petite, on peut pas la garder.